GCK, teste pas, t'es pas de taille PD 95, banlieusard, on a la dalle bébé. Le son du tchèque sont dans le poste. Toujours fidèle au poste, on fait du bif, pépère. Après ce 12, vont fuir les faux à l'affût. Pour paraître de goose, certains se mettent à la flûte. On sait qui sont les vrais, on sait qui sont les faux. On sait qui sont les traîtres, on sait qui sont les gros. Jouer au micro, c'est comme aux armes, gros ça tue. Si tu le manies mal, c'est normal, négro ça pue. Furtif, featuring SNIPER. Tu kiffes, tant mieux, tu kiffes pas. Nique sa mère. Atterrissage forcé dans le monde du RAP. 95, une spéciale pour mes RAT. S, les gens de la thèse qui attendaient qu'on perce. À ceux qui nous soutiennent depuis nos premiers textes. C'est Tony sale, Tony sale au Burst 995. Laisse-toi guider par les panneaux et passe par Épinay sur scène. En gars et son lac, là c'est Bico et c'est Black. Tous ces vagins et ces fiacs. Voici et Suck mon robot, génération pomme. Vodka, c'est fuck la cuba. Les petits sont dust, là dessous à la galade. C'est soit ils arrachent des cusques, ou bien ils font la salade. Y'a les fumeurs de sticky, qu'on le shit pour EPO. Et ceux qui ont leur kiki en gros plan sur une vidéo. La galère est un fléau, et guette mon coup de griffe. Et un pur kiff des gus fils, y'a du snipe et du furtif. C'est GCK, teste pas, t'es pas de taille PD 95, boy, le zar, on a la dalle bébé. Le son du tchèque sont dans le poste. Toujours fidèle au poste, on fait du bif, pépère. C'est GCK, teste pas, t'es pas de taille PD 95, banlieusard, on a la dalle bébé. Le son du tchèque sont dans le poste. Toujours fidèle au poste, on fait du bif, pépère. Petit fait du bif comme quand les porcs rentrent au bercail. Je préfère que tu chiales ta mère que ma mère chiale. T'es official, tu roules en Mercal ou en BM. Même si tu rappes, mais tu es falche comme tes DN. Comme dit Hackett, on est les hyènes de la région parisienne. Écoute, chienne, c'est de la musique valdoisienne. Original, ça c'est du son d'Arsa. Tu dis sale, mais dans ta tête, tu te fais d'Arsa. À part ça, ici c'est la Galate. Banlieue Nord, Antibor, on vient mettre la patate. Algérois, dans le sang, c'est du Kabyle. On t'élimine, c'est la mine dans la cabine. C'est GCK, génération cruelle et crapuleuse. Ne teste pas, dis-toi que c'est un trou pour toi que tu creuses. Tu vois pas que t'as pulpeuse avec ton rap tout queuse. Remballe ton lust, ici c'est deuil et puis neuf. Je big up la mif, un kiss, furtif et sniper. Une face au 10, devant ta partie, s'appelle-moi Tyler. Nos vies des films où tu comprends rien comme dans Fight Club. Plus de vertu, plus de valeur, on tape des fashion. Génération Mad Max, on peut sa fashion. Avant de bouger, passe pécho mon flash à la station. Hackette ton mic, c'est la finale, c'est pour ça que t'as chaud. Furtif des terres, Inch'Allah, bientôt là. C'est GCK, teste pas, t'es pas de taille PD 95, banlieusard, on a la dalle bébé. Le son du tchèque sont dans le poste. Toujours fidèle au poste, on fait du bif, pépère. C'est GCK, teste pas, t'es pas de taille PD 95, banlieusard, on a la dalle bébé. Le son du tchèque sont dans le poste. Toujours fidèle au poste, on fait du bif. Eh la mère, j'ai pas la vie facile. Assis à c'est la street, le shit, le stress, la tease. Le rap s'envoie trop de mes frères à l'asile. 95, un film, okay. Un peu partout ça dise. 21 piges dans la banlieue, je pourrais t'en faire un livre. Ma tour, mon Porsche, mon trou. Fortif, mes potes, mon crew. On l'a fait de alors MC à genoux. Ma tour, mon Porsche, mon trou. Fortif, mes potes, mon crew. On l'a fait de alors MC à genoux. Le rap des textes, ma vie des rimes, juste des dents des 16. Adolescent, l'air incompris, le cul entre deux chaises. La France me ment, on plaide, y croit qu'ici je suis à l'aise. Vivant comme ça, je te rentre dedans, même si je suis pas balèze. Nique la vie, nique la vie. De toute façon, on va tous mourir. Et peu importe la manière, Roger le max de vie. GCK, teste pas, t'es pas de taille PD 95, banlieusard, on a la dalle bébé. Le son du tchèque sont dans le poste. Toujours fidèle au poste, on fait du bif, pépère. C'est GCK, teste pas, t'es pas de taille PD 95, banlieusard, on a la dalle bébé. Le son du tchèque sont dans le poste. Toujours fidèle au poste, on fait du bif. C'est GCK, teste pas, t'es pas de taille PD 95, banlieusard, on a la dalle bébé. Le son du tchèque sont dans le poste. Toujours fidèle au poste, on fait du bif, pépère. C'est GCK, teste pas, t'es pas de taille PD 95, banlieusard, on a la dalle bébé. Le son du tchèque sont dans le poste. Toujours fidèle au poste, on fait du bif, pépère. C'est GCK, teste pas, t'es pas de taille pédale 95, banlieusard, on a la dalle tétale. Le son du tchèque sont dans le poste. Furtif des terres, toujours fidèle au poste, on fait du bif, pépère. C'est GCK, tard. Génération cruelle et crapuleuse. Même si dégage, tu vois pas que t'as plus le buzz. Aketo Mike, Mimoun, Lamy, Dimens, tous les Yano. ADH, la galade, la dessous. 95 pour le Zard, Furtive des Terres, SNIPER.